Sainte Bible selon saint Jérôme, lecture du livre des Cantiques des Cantiques au chapitre 7e. Que verrez-vous dans la Sulamite, sinon les chœurs de danse d'un camp? Que tes chœurs sont beaux dans ta chaussure. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, ô fille du prince. Les jointures de tes hanches sont comme des colliers, travaillés par la main d'un artiste. Ton nombril est une coupe faite au tour, où des liqueurs exquises ne manquent jamais. Ton sein est comme un monceau de froment entouré de lys. Tes deux mamelles sont comme les deux fans jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux comme les piscines des ébones, situées près de la porte où s'assemble la foule. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde vers Damas. Ta tête est comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre du roi, liée et teinte dans les canaux des teinturiers. Que tu es belle et charmante, ô ma bien-aimée, parmi les délices. Ta taille ressemble à un palmier et tes mamelles à des grappes de raisin. J'ai dit, je monterai sur le palmier et je cueillerai ses fruits. Et tes mamelles seront comme les grappes de la vigne, et les parfums de ta bouche comme celui des pommes. Ta gorge est un vin excellent, digne d'être bu par mon bien-aimé, et savouré entre ses lèvres et ses dents. Je suis à mon bien-aimé, et son cœur se tourne vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Levons-nous dès le matin pour aller dans les vignes. Voyons si la vigne a fleuri, si ses fleurs produisent des fruits, si les grenadiers sont en fleurs. C'est là que je te donnerai mon amour. Les mandragores ont exhalé leur odeur. À nos portes sont toutes sortes de fruits, nouveaux et anciens. Ô mon bien-aimé, je te les ai gardés. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.